إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence maintenant le cours 26 dans l'explication du livre « Haqiqatul Wala'i wal Bara' fil Kitab wa Sunnah » qui est écrit par le Cheikh Dr. Issam ibn Abdullah al-Sinani et qui a été relu et préfacé par le Cheikh Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan rahimahullah wa hafizahullah. Et donc on est toujours dans le point numéro 7 dans les explications des réfutations des takfiriyin et des khawarij contemporains qui essaient d'utiliser la question du fait de prendre l'aide des kuffar contre des kuffar ou de l'aide des kuffar contre un ennemi transgresseur lorsqu'il y a une nécessité ou un besoin de le faire. Ils essaient de faire de cette question une question de wala ou al-bara pour déclarer kuffar des dirigeants musulmans et pour également essayer d'appeler à la rébellion ou à la révolte contre les dirigeants en essayant de prétendre que de faire ça c'est quelque chose qui signifie qu'on prend l'aide des kuffar et qu'on s'allie avec eux et qu'on fait une allégeance ou alliance avec eux à cause de ça. Donc on a mentionné plusieurs preuves pour expliquer que cette question-là n'a pas un lien direct avec al-wala ou al-bara, que c'est une divergence entre les ulama et que cette divergence elle existe depuis longtemps. Et on a mentionné les preuves de ceux qui disent que c'est interdit, les preuves de ceux qui mentionnent la permission. Et on est en train d'expliquer les preuves de ceux qui disent que c'est permis. On est arrivé à la 10e preuve aujourd'hui qu'on va commencer à lire et on va essayer de terminer ce sujet-là aujourd'hui, Inch'Allah. Mais juste en passant, juste pour faire une note à ce sujet-là, que c'est étrange de voir de la part de ces gens-là que lorsqu'il s'agit, par exemple, de l'Arabie Saoudite et que lorsque l'Arabie Saoudite prend l'aide des koufars pour, par exemple, se défendre contre l'Irak, eh bien, dans ce cas-là, ils considèrent que c'est quelque chose qui est interdit et que c'est une forme de kufr pour eux et que ça fait partie de qu'est-ce qui oppose al-wala ou al-bara. Et pourtant, quand c'est les Ikhwan qui le font ou d'autres pays musulmans qui suivent des voies de la voie des Ikhwan ou bien d'autres organisations ou associations qui demandent l'aide des Américains ou des Européens ou d'autres dans les problèmes qui se passent dans les pays musulmans, eh bien là ils considèrent que c'est permis et que c'est correct. Donc c'est-à-dire qu'ils ont deux poids, deux mesures. Un poids pour eux-mêmes et un poids quand ça fait leurs affaires. Et c'est un peu comparable à ce qui se passe actuellement dans les pays où les Ikhwan ont pris le pouvoir par les élections. Eh bien, on voit que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas appliqué la charia, ils ne l'appliquent pas, et même qu'ils le disent ouvertement et clairement qu'ils n'ont pas l'intention de l'appliquer non plus. Et malgré tout, personne ne dénonce qu'est-ce qu'ils disent, à part les salafis qui mentionnent que ça c'est quelque chose qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna. hein, mais on voit que les Ikhwan, alors qu'ils faisaient le takfir auparavant, des dirigeants qui étaient au pouvoir avant eux, eh bien, on voit qu'aujourd'hui, ils ne font pas la même chose. C'est donc qu'ils ont deux voix, hein, deux poids, deux mesures, et deux façons de juger. C'est-à-dire qu'ils ne suivent pas la règle des ulama dans ces questions-là, mais ils suivent plutôt leurs intérêts politiques, et ils suivent également leurs passions. Nasallallahu alayhi wa. Donc, pour revenir au sujet du cours aujourd'hui, le point numéro 10, Isti'anatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam بمشرك مأمون الجانب في هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. والهجرة النبوية أخص من الجهاد من حيث خطورتها على النبوة والإسلام، إن لم نقل هي من أعظم الجهاد. فقد روى البخاري في باب استئجار المشركين عند الضرورة إذا لم يوجد أهل الإسلام وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في حديث الهجرة: واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل أو من بني الديل، وهو من بني عبد الها من بني عبد بن عدي، هاديا خريطا أو خريتا، الخريط الماهر بالهداية، قد غمس يمين حلف في آل العاص ابن وائل السهمي، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتهما صبيحة ليال ثلاث، فارتحلا وانطلقا معهما عامر ابن فهيرة والدليل الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق السواحل. Donc, le cheikh, il commence par mentionner le fait que, comme dixième preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'aide d'un mushrik dont il avait confiance, hein, envers qui il avait confiance, pour faire sa hijra vers la ville de Médine, lorsqu'il a fait la hijra al-Nabawiyya. Et le cheikh, il note en même temps que la hijra al-Nabawiyya, la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une des aspects les plus particuliers du djihad dans son, et sur le plan de, yani sur le point de vue de son danger ou du danger que ça représente par rapport à l'islam et par rapport à la prophétie. Et même que le cheikh il dit que ça c'est si on ne dit pas que c'est encore plus grand ou une des plus grandes formes de djihad, et il mentionne que l'imam al-Bukhari il a rapporté ce point dans Sahih al-Bukhari, dans Kitab al-Ijara, le volume 4, à la page 517, le hadith 2263. Il dit le fait que le chapitre s'est intitulé le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a, en fait le titre s'intitule Istijar al-Mushrikin, le fait que c'est permis de prendre ou d'acheter les services d'un mushrik lorsque c'est nécessaire, lorsqu'il n'y a pas de gens parmi les adeptes de l'islam, parmi les musulmans, pour le faire. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a employé les juifs de Khaybar pour travailler pour lui. Donc il mentionne cette histoire selon Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui mentionne dans le hadith de la hijra que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que Abu Bakr radiyallahu anhu ont engagé un homme parmi la tribu de Ad-Dil, et ça fait partie de la tribu de Abd ibn Adi, ils l'ont engagé comme guide et comme khirrit, et al-khirrit c'est quelqu'un qui connaît bien les chemins et qui sait comment se guider à travers les différentes routes pour aller quelque part. Donc c'est quelqu'un qui est spécialiste dans ce genre de choses. Et comme si on sait que lorsqu'on, surtout à cette époque-là, les gens voyageaient, comment ils voyageaient, c'était à dos d'animal ou à dos de chameau, et en même temps à dos d'âne, et il n'y avait pas de route comme les routes d'aujourd'hui, hein, donc il fallait trouver les bons chemins pour arriver là où on veut, pour arriver en sécurité, pour arriver plus vite, et donc ça prend quelqu'un qui est quand même expérimenté et qui a déjà fait le voyage et qui connaît les points de repère, les points d'eau et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui est très très difficile à faire, ok. Et puis également il faut tenir compte du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plupart des mouchriquins de Quraysh essayaient de l'attraper pour le tuer. Donc il devait faire attention à qui il devait faire confiance pour faire ce genre de choses, parce que si c'était quelqu'un qui n'était pas honnête, cette personne aurait pu facilement la trahir, hein, trahir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il fallait faire confiance à cette personne, et ici on a la preuve donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc fait confiance à ce mushrik, hein, quelqu'un qui est kafir, pour justement le guider, hein, malgré qu'il était sur la religion des kuffars de Quraysh. Il lui a fait confiance et il lui a donné l'argent et il lui a donné les montures qu'il devait amener avec lui pour le rendez-vous qu'il avait donné à la caverne de Thor, hein, il lui a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'Abu Bakr ont donné à ce guide la monture et l'argent, et ils lui ont donné rendez-vous trois nuits plus tard devant la caverne de Thor, et c'est là qu'ils se sont rencontrés et ils sont partis ensemble et ils ont pris le chemin pour arriver à Al-Madinah. Le cheikh il explique ensuite en citant les paroles de Al-Hafiz ibn Hajar. Il dit قال Al-Hafiz ibn Hajar مبينا أن الترجمة أخص من الدليل فتح الباري في فتح الباري يقول هذه الترجمة مشعرة بأن المصنف يرى بامتناع استئجار المشرك حربيا كان أو ذميا إلا عند الاحتياج إلى ذلك فتعذر وجود مسلم يكفي ذلك فتعذر وجود مسلم يكفي في ذلك وفي استشهاده بقصة معالمة النبي صلى الله عليه وسلم أو معاملة النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على أن يزرعوها وباستئجاره الدليل المشرك لما هاجر على ذلك نظر لأنه ليس فيهما تصريح بالمقصود من منع استئجارهم فإنه وكأنه أخذ ذلك من هذين الحديثين مضموما إلى قوله صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعين بمشرك أخرجه مسلم وأصحاب السنن فأراد الجمع بين الأخبار بما ترجم به. Donc, Al-Hafiz ibn Hajar, il explique le titre que l'imam al-Bukhari a donné dans son Sahih al-Bukhari. Et donc, dans Fath al-Bari, on retrouve cette parole de Al-Hafiz ibn Hajar, le volume 4, à la page 517. Il explique que le titre qui a été donné à ce hadith ou à ce chapitre, c'est comme si, en fait, il dit que ce titre est plus particulier que qu'est-ce qui se retrouve comme preuve dans ce hadith-là. Hein, en voulant dire que l'imam al-Bukhari, dans son titre ici, il donne des éléments qui sont plus spécifiques que ce que le Dalil ramène à propos de ce sujet-là. Parce qu'on sait que l'imam al-Bukhari, son fiqh, il est dans les titres qu'il donne à chaque chapitre. Donc c'est comme s'il mentionnait son point de vue ou son opinion par rapport au sujet dans ses titres, hein, dans les titres de chaque chapitre. Et puis il ramène les preuves de ce qu'il veut établir dans le titre avec les hadiths qui suivent. Mais on voit que parfois il n'y a pas un lien direct, spécifique ou clair entre le titre qu'il donne et la preuve qu'il mentionne. C'est parce que parfois c'est une déduction qu'il a eue ou qu'il a fait par analogie ou par déduction qui l'amène à utiliser telle ou telle preuve comme support pour son opinion, par exemple. Donc ici, on voit que la preuve qu'il ramène, eh bien, le titre qu'il donne est plus spécifique que la preuve. Et ici, il dit que, par exemple, que la définition qu'il donne ou le titre qu'il donne à ce chapitre donne l'impression qu'il considère que c'est interdit de prendre ou d'engager un mouchrik qui est en guerre avec les musulmans ou bien qui a une entente avec les musulmans, qui fait partie des gens de la Zimma, excepté s'il y a un besoin de le faire. Hein? Comme par exemple le fait qu'on ne trouve pas un musulman qui soit apte à le faire ou capable de le faire. Et le cheikh, il dit que lorsqu'il cite ici comme exemple, comme témoin de son opinion, l'histoire du fait que qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris les juifs de Khaybar comme employés pour cultiver la terre pour lui et qu'il les a engagés pour ça, ou bien qu'il a engagé également le mouchrik comme guide pour arriver pour faire la hijra, il y a comme quelque chose qui n'est pas yani fi zalika ala zalika nazar. C'est comme si, comment on pourrait dire, ici c'est, il considère que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement correct comme argument ou comme preuve, parce qu'il dit qu'il n'y a pas dans ces deux histoires là rien de spécifique ou de clair ou de direct qui indique cette intention-là ou ce but-là dans le fait d'interdire de prendre ces gens-là comme employés ou de les engager. Et donc il dit Cheikh Ibn Hajar, il dit que c'est comme si l'imam al-Bukhari avait mentionné ces deux histoires, ces deux hadiths pour le rassembler avec l'autre hadith qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je ne prends pas l'aide d'un mouchrik » et qu'il les a rassemblés les deux ensemble pour arriver à la conclusion de ce qu'il a mentionné dans le titre de ce chapitre-là. Donc c'est comme s'il avait fait le jam entre les deux. Donc c'est la fin de la citation. Et donc ensuite le cheikh Abdullah Sinani, il mentionne la parole d'un autre cheikh dans Umdatul Qari. C'est la parole de Al-Aini dans le volume 12 à la page 82 de ce livre-là. Il dit « Wa fihi i'timan ahlu shirk ala sir wal mal iza ahida minhum wafa'an wa muru'atan kama istamana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-mushrik lamma kanu alayhi لما كانوا عليه من بقية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإن كان من الأعداء لكنه علم منه مروءة وأتمنه من أجلها على سره في الخروج من مكة وعلى الناقتين اللتين دفعهما إليه ليوافيهما بهما بعد ثلاث في غار ثور يعني انتهى كلامه. Donc le cheikh ici, il dit, dans Cheikh Al-Aini, dans son livre Umdatul Qari, comme je disais tout à l'heure, volume 12, page 82, il dit qu'il y a dans ce hadith l'histoire du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a engagé un mushrik pour être son guide pour faire la hijra. Il y a dans ça le fait qu'il est permis de faire confiance aux gens du shirk pour nos secrets et pour de l'argent. Lorsque on a su ou on connaît de leur part de la fiabilité et du respect hein, de certaines valeurs, de certaines règles, de principes. On sait que c'est des gens qui ont des malheurs, des mœurs, qui ont des bonnes valeurs, et ainsi de suite. Donc, si on sait ça de leur part, on peut leur faire confiance pour nos secrets ou bien pour notre argent, même s'ils font partie des ennemis. Mais le cheikh, il dit, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à cause de ce qu'il avait comme restant de la religion d'Abraham, alayhi salam, même s'il faisait partie des ennemis, mais il a su de la part de cet homme qu'il avait des bonnes valeurs, des bonnes mœurs, hein, et qu'il lui a fait confiance, donc à cause de ça, pour son secret, du fait qu'il allait sortir de Mecca, quitter la Mecque pour aller vers Médine. Donc il lui a fait confiance pour garder le secret, hein, parce que c'est un mouchrik, il aurait pu aller voir Quraysh, puis dire à Quraysh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va partir durant la nuit et il m'a donné rendez-vous dans 3 nuits devant cette caverne. Alors, venez me rejoindre là-bas pour l'attraper. Mais il n'a pas, hein, il n'a pas fait ça. Il a été fiable et honnête. Hein. Il a ramené les deux montures, les deux chamelles qu'on lui avait confié, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait confié, et il était au rendez-vous, et il a fait ce qu'on lui avait demandé de faire. Donc, ça c'est pour ça que le cheikh il le mentionne comme preuve. Ensuite, le cheikh dit, وَقَالَ سَمَحَةُ الشَّيْخِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ بَازِ فِي مَجْمُوعِ فَتَاوَى وَمَقَالَاتِ الْمُجَلَّدِ السَّادِسِ صَفْحَ 110. نعم يقول مبينا جواز الاستعانة بغير المسلمين سواء كان المستعان به يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو غير ذلك إذا رأت الدولة الإسلامية أن عنده نجدة ومساعدة لصد عدوان العدو المشترك فقال واستعان بعبد الله بن أريقت في سفره وهجرته إلى المدينة وهو كافر لما عرف أنه صالح لهذا الشيء وأنه لا خطر منه في الدلالة وقال يوم بدر لا أستعين بمشرك ولم يقل لا تستعينوا بل قال لا أستعين لأنه ذلك الوقت غير محتاج لهم والحمد لله معه جماعة مسلمون وكان ذلك من أسباب هداية الذي رده حتى أسلم انتهى كلامه. Donc on voit ici que Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah, il mentionne dans son livre Majmou' al-Fatawa, le volume 6 à la page 110, c'est son recueil de fatwa. Il dit en expliquant le fait que il est permis de prendre les non-musulmans comme aide ou en aide, de demander leur aide ou de prendre leur aide, peu importe que ce soit des koufars qui font partie des juifs ou des chrétiens ou des idolâtres ou d'autres également parmi les koufars, lorsque l'État musulman ou le pays musulman voit en eux la capacité de les aider à repousser les transgressions de l'ennemi qu'ils ont en commun. Le cheikh Ibn Baz dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'aide de Abdullah ibn Urayqit dans son voyage et dans sa hijra vers Médine, alors qu'il était kafir, parce qu'il a su que Abdullah ibn Urayqit est une personne qui était apte à faire ce genre de choses, c'est-à-dire que c'était une personne qui était apte à être un bon guide pour l'amener jusqu'à Médine, et qu'il n'y avait aucun danger du fait que ce soit lui qui le guide. Et pourtant, par la suite, il a dit, le jour de Badr, je ne prends pas l'aide du mouchrik. Et le cheikh, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, ne prenez pas l'aide des mouchriquins, hein, ou l'aide de mouchriq. Il n'a pas dit ça de façon générale pour les sahaba, et il n'a pas dit ça non plus au pluriel, mais il a parlé à la première personne en disant, je ne prends pas d'aide du mouchriq, hein, la asta'in du mouchriq, c'est-à-dire, moi je ne prends pas l'aide moi-même, je ne prends pas l'aide d'un mouchriq. Et le cheikh dit, et ça c'est parce que à ce moment-là, c'est-à-dire lors de la bataille de Badr, il n'avait pas besoin de personne d'autre. Hein? Il n'avait pas besoin de personne d'autre. Et alhamdoulilah, il avait avec lui un groupe musulman, un groupe de musulmans, et c'était suffisant pour lui. Hein? Et ça, ça a été même une cause, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise à ce mouchrik, je ne prends pas l'aide du mouchrik, ça a été une cause pour sa conversion et sa guidance par la suite, hein, puisqu'il l'a repoussé et repoussé jusqu'à ce que, par la suite, il accepte de devenir musulman. Et Cheikh il dit, wa qala rahimahullah fi majmu' al-fatawa wa maqalat wa mimma yajibu at-tanbihu alayhi anna ba'd an-nas qad yadhun أن الاستعانة بأهل الشرك تعتبر موالة لهم وليس الأمر كذلك فالاستعانة شيء والموالاة شيء آخر فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حين استعان بعبد الله بن أريقط مواليا لأهل الشرك ولا متخذا لهم بطانة وإنما فعل ذلك للحاجة إليهم واستخدامهم في أمور تنفع المسلمين ولا تضرهم انتهى كلامه. Donc le cheikh Ibn Baz rahimahullah, il dit dans Majmu' al-Fatawa le volume 7 à la page 364, et parmi les choses qu'il est nécessaire, qu'il est obligatoire de noter, c'est que certaines personnes pensent ou peuvent penser que le fait de prendre l'aide des gens du shirk, c'est quelque chose qui est considéré comme étant une alliance ou de prendre pour allier les kuffars, hein, de s'allier avec eux. Et le cheikh dit, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas, puisque l'aide, demander de prendre l'aide des mouchriquins, c'est une chose, et de les prendre pour allier, c'est-à-dire de s'allier à eux, il y en a de les aimer, pour leur kuffar, pour leur shirk, hein. Eh bien, ça, c'est une autre chose totalement différente. Et le cheikh, il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a pris l'aide d'Abdullah ibn Urayqit, le mushrik, hein, il n'a pas pris pour allier les gens du shirk en faisant ça. Hein, et il ne les a pas non plus pris comme confidents, proches non plus. Mais il a fait ça parce qu'il en avait un besoin. Hein, il avait besoin des kuffars ou des mushrikins, et il les a utilisés dans un domaine ou dans une chose qui ramène du bien aux musulmans et qui ne leur fait pas aucun tort. Hein? Donc ça c'est la fin de la citation de la parole de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz. Donc on vient de conclure avec ça la preuve numéro 10. Maintenant la preuve numéro 11, le Cheikh il dit الدليل الحادي عشر استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بمطعم ابن عدي وهو من كبارهم في الكفر لما رجع من الطائف وخاف من أهل مكة فاستجار به وحماه روى البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. وفي رواية الطبراني قال هشام أو قال هشيم أو هشيم وكانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يد. أي نعم. دونك للشيخ Abdullah ibn Abdullah al-Sinani, Isam ibn Abdullah al-Sinani, il mentionne comme 11e preuve le point suivant, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'aide de Mut'im ibn Adi, hein, qui était une des têtes des koufars et des mouchriquins à l'époque. Et ça, c'était lorsqu'il est revenu de la ville de Ta'if et qu'il craignait de rentrer à Mecca. Il est rentré avec la protection de Mut'im ibn Adi. Hein. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et selon Jubayr ibn Mut'im, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à propos des prisonniers de Badr, ceux qu'il avait pris en prise, comme prisonniers lors de la bataille de Badr, si Al-Mut'im ibn Adi était vivant aujourd'hui et qu'il me demandait de lui laisser ses prisonniers, hein, eh bien je lui aurais laissé. Je lui aurais laissé. Et naam. Donc, ça c'est pour dire que, yani, c'est pour dire que il avait un poids, yani, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un respect pour lui par rapport à ça, par rapport au service qu'il lui avait rendu et par rapport à l'aide qu'il lui avait donnée. Rapporté également par At-Tabarani, Hushaym, il a dit, et il avait, et le messager d'Allah, wa kanat lahu 'inda rasulillahi yadun, donc il avait une main, c'est-à-dire une faveur, un service qu'il avait auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme très reconnaissant, et il ne laissait jamais une faveur sans la remettre ou sans la récompenser. Hein? Donc ça, c'est une des caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que toute chose qu'on lui faisait de bien, il cherchait à le rendre. Et il reconnaissait le bien ou la faveur que quelqu'un avait sur lui, même si c'était un kafir ou un mushrik. Hein? وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري والمراد باليد المذكورة ما وقع منه حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف ودخل في جوار المطعم ابن عدي وقد ذكر ابن إسحاق القصة في ذلك مبسوطة وذلك أوردها وكذلك أوردها الفاكهي بإسناد حسن مرسل فيه أن المطعم أمر أربعة من أولاده فلبسوا السلاح وقام كل واحد منهم عند ركن من الكعبة فبلغ ذلك قريشا فقالوا له أنت الرجل الذي لا تغفر ذمتك وقيل المراد باليد المذكورة أنه كان عند من أشد من قام في نقد الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم ومن معهم من المسلمين حين حصروهم في الشعب. أي نعم. وقال قد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل السيرة. وروى الطبراني من طريق محمد بن صالح التمار عن السهري عن محمد بن جبير عن أبيه قال قال المطعم ابن عدي لقريش إنكم قد فعلتم بمحمد صلى الله عليه وسلم ما فعلتم فكونوا أكف الناس عنه وذلك بعد الهجرة ثم مات المطعم ابن عدي قبل وقعة بدر وله بضع وتسعون سنة. أي نعم. ذكر الفاكهي بإسناد مرسل أن حسان بن ثابت رثاه لما مات مجازة له على ما صنع للنبي صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه. قلت ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية وعزاها للأموي في مغازيه فقال فيه قال حسان بن ثابت والله لي لا أرثينه فقال فيما قال فلو كان مجد يخلد يوم واحدا من الناس نجا مجده اليوم مطعما أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبادك ما لبا أو ما لبا محل وأحر ما و ما لبا محل أو محل وأحرما إن فأصبحوا عبادك ما لبا محل وأحرما حتى قال قلت ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أسار بدر لو كان المتعب بن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء النتنة لا لوهبتهم له انتهى كلامه. Donc الحافظ بن حجر il mentionne dans Fath al-Bari le volume 7 à la page 376 que qu'est-ce qu'il veut dire ici par la main qu'il a donnée, c'est-à-dire la faveur qu'il a mentionnée de ce qui s'est produit lorsqu'il est revenu de Taif et qu'il est rentré à Mecca sous la protection de Al-Mut'im ibn Adi. Et Ibn Ishaq l'a mentionné cette histoire de façon très détaillée, la version longue, et de même que Al-Fakihi il l'a mentionné également avec une isnad qui est bonne et qui est attribué à un sahabi ou à un tabi'i. Et il dit ici par la suite que Al-Mut'im, il avait ordonné à quatre de ses fils de porter leurs armes et de rentrer à Mecca avec lui. Donc ils ont tous monté sur leur monture et ils sont arrivés. Et chacun de ses quatre fils s'est tenu devant un des coins de la Kaaba. Et yani, lorsque les gens de Quraysh ont entendu ça, ils ont dit « Tu es celui qui ne brise pas ton entente ». Et c'est-à-dire qu'il est rentré à Mecca avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses fils, et il a demandé à Quraysh de respecter sa protection qu'il fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas porter atteinte au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres ont mentionné également, on a dit également que qu'est-ce qu'on voulait dire ici par Al-Yad dans le hadith qui mentionne que Mut'im ibn Adi avait une main yani chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire une faveur. Et la faveur en question ici, certains ont dit que c'était lorsque Al-Mut'im ibn Adi avait yani opposé l'embargo qui avait été fait contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la tribu de Bani Hashim. Et qu'ils avaient décidé de leur couper toutes les subsistances, toute nourriture ou quoi. Donc, à partir de ce moment-là, donc Al-Mut'im ibn Adi fait partie de ceux qui ont été les plus durs dans l'opposition à cet embargo-là. Et donc, c'est pour cette raison-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui en était reconnaissant. Okay? Et donc, ça serait une autre raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait considéré qu'il avait une faveur. Et donc, c'est ça. Et Al-Mut'im ibn Adi, il avait dit, comme c'est rapporté, qu'il avait dit à Quraysh, vous avez fait des choses, ce que vous avez fait à Muhammad, c'est, yani, comme si on vous l'a dit, il les a blâmés de ce qu'ils avaient fait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il avait dit ça, c'était après la hijra. Puis Al-Mut'im ibn Adi, il est mort avant la bataille de Badr. C'est-à-dire, il est mort avant la bataille de Badr. Il avait quelques 90 et quelques années. Donc, il était très vieux. Et lorsqu'il est mort, Al-Fakihi a rapporté avec une isnad que une histoire qui est mursale, que Hassan ibn Thabit, lorsque Mut'im ibn Adi est mort, yani, il a fait un poème pour lui. Il a écrit un poème pour lui à cause de ce qu'il avait fait comme service pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Hafiz ibn Kathir, il mentionne ce poème dans Al-Bidaya wal-Nihaya, le volume 4, à la page 343. Et dans ce poème, c'est rapporté selon Al-Umawi, il dit que Hassan ibn Thabit a dit dans son poème des paroles donc pour yani comme en disant du bien de Al-Mut'im ibn Adi. Je ne veux pas traduire le poème, mais c'est pour dire qu'il mentionnait parmi ses faveurs qu'il avait fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est rentré donc à Mecca, et ainsi de suite. Donc ça fait partie des points qui sont mentionnés dans son poème. Et le poème en question, c'est qu'est-ce qu'on appelle un quand on fait un poème de lors de la mort de quelqu'un. C'est un poème qui est fait pour mentionner qu'est-ce qu'on trouve comme la tristesse de voir le départ ou la mort de quelqu'un, puis on mentionne certaines choses parmi les choses de bien que la personne a fait, des choses comme ça, ou bien pour montrer le regret, des choses de ce genre. نعم دونك سي الرثاء ليس للشيخ الذي وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى ومقالات وهو يتحدث عن رد العدو الغاشم حماية للبلد من الشر إذا كانت القوة المسلمة لا تكفي لردعه جاز الاستعانة بمن يظن فيهم أنهم يعينون ويساعدون على كف شره وردع عدوانه سواء كان المستعان به يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو غير ذلك. إذا رأت الدولة الإسلامية أن عنده نجدة ومساعدة لصد عدوان العدو المشترك وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا في مكة استعان بمطعم بن عدي لما رجع من الطائف وخاف من أهل مكة بعد موت عمه أبي طالب فاستجار بغيره فلم يستجيبوا فاستجار بالمطعم وهو من كبارهم في الكفر وحماه لما دعت الضرورة إلى ذلك وكان يعرض نفسه عليه الصلاة والسلام على المشركين في منازلهم في منى ويطلب منهم أن يستجيروه حتى يبلغ رسالة ربه عليه الصلاة والسلام على تنوع كفرهم. انتهى كلامه. Donc Cheikh Ibn Baz rahimahullah, il mentionne lorsqu'il parlait du fait de repousser un ennemi qui vient attaquer les musulmans pour repousser le mal du pays. Il mentionne que si la force des pays musulmans n'est pas suffisante pour repousser cet ennemi-là, c'est permis de prendre l'aide de celui dont on pense être capable de nous aider à repousser le mal de cet ennemi et de repousser sa transgression. Peu importe que cet ennemi à qui on demande l'aide soit un juif ou un chrétien, c'est-à-dire, peu importe que la personne à qui on demande l'aide pour nous aider contre cet ennemi soit un juif ou un chrétien ou un idolâtre parmi les idolâtres. Lorsque l'État islamique voit que cet ennemi-là est capable et a la force, et est capable de repousser la transgression de l'ennemi en commun. Et c'est arrivé, cette chose-là, de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Mecca, il a pris l'aide de Mut'im ibn Adi lorsqu'il est revenu de Taif et qu'il craignait des gens de la ville de Mecca après la mort de son oncle Abu Talib, parce que avant c'était son oncle Abu Talib qui le protégeait, qui lui aussi était un mushrik, mais à la mort de son oncle Abu Talib, il n'y avait plus personne donc pour le protéger. Alors il a pris la protection de différentes personnes, il a demandé la protection de différentes personnes, mais les gens de Quraysh n'ont pas accepté. Alors il est allé voir Al-Mut'im ibn Adi, qui faisait partie des plus grands parmi les mushrikines et les kuffars, et il l'a donc protégé. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans cette situation de nécessité. Et donc, on sait qu'il se présentait également dans les tentes des différentes tribus durant le Hajj. Il se présentait aux mushrikin et allait les voir pour leur demander la protection, pour qu'ils puissent transmettre le message de son Seigneur, et ce, yani, malgré les différentes sortes de kufr qu'ils avaient. Le point numéro 12, ensuite la preuve numéro 12, c'est la dernière preuve qui est mentionnée ici par le Cheikh, et donc ça vient pour conclure en même temps le yani, ça vient pour conclure le la question de al-isti'ana. Le point numéro 12, c'est isti'anatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bil yahudi fi Khaybar. C'est-à-dire que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'aide des juifs de Khaybar pour travailler les terres pour les musulmans, il dit lamma shughila al-muslimuna 'an al-harth bil jihad. Hein, parce que les musulmans ont été préoccupés par le jihad et qu'ils ne pouvaient pas cultiver la terre parce qu'ils étaient préoccupés au jihad, donc il a pris les juifs pour travailler pour lui. وتقاعد معهم على النصف في خيبر لما رأى المصلحة في ذلك. Donc il s'est mis d'accord avec les juifs pour dire que il leur donnait la moitié de la récolte, c'est-à-dire que il disait aux juifs, ok, vous pouvez rester parce que nous on est occupés maintenant, on fait le jihad, on peut pas cultiver, alors vous allez cultiver, vous gardez la moitié, puis on vous donne la moitié, puis l'autre moitié, c'est à nous. Donc ça, c'est l'entente qu'il a pris avec les juifs. Alors qu'ils avaient, en fait, pas droit à rien de ça, mais il leur a donné quand même la moitié. Alors il dit, فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِ وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمْ فِي بَابِ مُشَارَكَةِ الذِّمِّ وَالْمُشْرِكِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وقال أيضا باب استئجار المشركين عند الضرورة إذا لم يوجد أهل الإسلام وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. Donc le Cheikh explique que l'imam al-Bukhari a rapporté, et que cette explication ou ce hadith, il est également présent dans le sahih de l'imam Muslim aussi, mais l'imam al-Bukhari, il l'a rapporté il a mis comme titre la participation du dhimmi, c'est-à-dire du juif ou du chrétien qui vit parmi les musulmans avec une entente, donc la participation du dhimmi ou du mushrik, c'est-à-dire de celui qui est idolâtre, dans yani, le fait de prendre comme associé le zimmi ou le mushrik dans la culture de la terre, ou le fait de cultiver la terre. Il mentionne ce hadith selon Ibn Omar, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné aux juifs de Khaybar. Il leur a donné le travail de cultiver la terre pour les musulmans, et il leur a donné pour ça la moitié de ce qui était cultivé ou récolté. Et il a dit également bab istijar al-mushrikin, donc le chapitre au sujet de prendre pour employer ou comme employer les mushrikin lors de la nécessité s'il n'y a pas de musulmans pour le faire, et le fait de faire travailler le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait travailler les juifs de Khaybar pour lui, yani contre un salaire. Donc le cheikh il dit ensuite وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري هذه الترجمة مشعرة بأن المصنف يرى بامتناع استئجار المشرك حربيا كان أو ذميا إلا عند بأن المصنف يرى بامتناع استئجار المشرك حربيا كان أو ذميا إلا عند الاحتياج إلى ذلك كتعذر وجود مسلم يكفي في ذلك وقد روى عبد الرزاق بن جريج عن ابن شهاب قال لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم عمال يعملون بها نخل خيبر وزرعها فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ونعم نخل خيبر وزرعها ونعم يعملون بها نخل خيبر وزرعها فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر فدفعها إليهم الحديث وفي استشهاده بقصة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على أن يزرعوها وباستئجاره الدليل المشرك لما هاجر إلى على ذلك نظر لأنه ليس فيهما تصريح بالمقصود. On a lu ça tout à l'heure. وكأنه أخذ ذلك من هذين الحديثين مدموما إلى قوله صلى الله عليه وسلم إن لا نستعين بمشرك أخرجه مسلم وأصحاب السنن فأراد الجمع بين الأخبار به بما ترجم به قال ابن بطال عامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها لما في ذلك من المذلة لهم وإنما الممتنع أن يؤاجر المسلم نفسه من المشرك لما فيه من إذلال المسلم انتهى كلامه. Le cheikh il explique ici que c'est exactement ce qu'on a lu tout à l'heure quand on a parlé de la hijra avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Abdullah ibn Urayqit. Il cite le même passage dans Fath al-Bari, donc il mentionne le fait que l'imam al-Bukhari a cité ça comme exemple pour mentionner que il considère l'imam al-Bukhari que c'est interdit de prendre pour employer le mushrik, excepté si c'est une nécessité ou un besoin, excepté s'il y a un besoin, comme par exemple, s'il n'y en a pas de musulmans pour faire ce travail-là, qui soit suffisant pour le faire, donc, dans ce cas-là, il considère que c'est permis. Et il mentionne que c'est rapporté selon Abdul Razak, selon Ibn Jurayj, selon Ibn Shihab qu'il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas de travailleurs pour travailler les palmiers, les dattiers de Khaybar ou pour les cultiver. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux juifs de Khaybar de le faire et il leur a donné un salaire pour faire ça. Ça c'est al-hadith, c'est-à-dire il leur a donné quelque chose en échange ou en retour. Et il dit que dans le fait de prendre comme exemple ou comme témoin pour supporter son point l'histoire de Khaybar avec les juifs et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a fait travailler pour lui, ou de prendre l'exemple de Abdullah ibn Urayqit qui a été pris comme guide pour faire la hijra alors qu'il était mushrik, il dit que c'est quelque chose qui est à il faut revoir ça dans le sens que il n'y a pas de preuve claire de l'interdiction de prendre les mushrikines comme employés dans ces histoires-là. Et donc le cheikh dit que c'est comme si l'imam al-Bukhari avait pris ces deux hadiths et les avait ramenés avec l'autre hadith qui dit je ne prends pas l'aide du mushrik, qui est rapporté par l'imam muslim et d'autres également parmi les rapporteurs des Sunan, et qu'il les a réunis ensemble, et donc pour arriver à sa conclusion. Et il mentionne ensuite les paroles de Ibn Battal, un des savants, qui a fait le charh de Sahih Muslim. Il dit, Ibn Battal, rahimahullah, que la plupart des fuqaha, ils permettent de prendre comme employés des gens qui ne sont pas musulmans. Et lorsque cela est nécessaire. Il dit, et également pour d'autres raisons, c'est-à-dire lorsque c'est nécessaire, il dit, c'est-à-dire lorsque c'est nécessaire, ou pour d'autres occasions que la nécessité. Et il dit, la raison pour cela, c'est à cause de ce qu'il y a en le fait de les prendre comme travailleurs, comme humiliation pour eux. Et il dit que, qu'est-ce qui n'est pas permis, c'est uniquement que le musulman se fasse employer lui-même par le mouchrik, à cause de l'humiliation qu'il y a en cela pour le musulman. Fin de la citation. Hein, on voit donc que les choses sont un petit peu inversées à notre époque. Donc il dit, قال al-Qurtubi, بالجامع لأحكام القرآن, قال البخاري في ترجمته, باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام أهل الإسلام قال ابن بطال إنما قال البخاري في ترجمته أو إذا لم يوجد أهل الإسلام من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عمل أهل خيبر على العمل في أرضها إذ لم يوجد من المسلمين من ينوب منابهم في عمل الأرض حتى قوي الإسلام واستغني عنهم أجلاهم عمر وعامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها انتهى كلامه. Donc Al-Qurtubi il dit dans Al-Jami' l'Ahkam al-Qur'an volume 8 à la page 145 que l'imam Al-Bukhari il dit dans son titre du chapitre le chapitre au sujet de du fait d'employer les mouchriquines lorsque c'est nécessaire, lorsque on n'a pas de musulmans pour faire le travail, il dit que Ibn Battal a dit que Al-Bukhari, il a dit ça dans son titre de ce chapitre, où lorsqu'il n'y a pas de musulmans pour le faire, des gens de l'islam pour le faire, il a dit ça parce que il a dit ça parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uniquement pris comme employé les gens de Khaybar pour travailler la terre parce qu'il n'y avait pas de musulmans pour le faire et pour faire pousser et pour prendre la place de ces juifs là pour travailler la terre jusqu'à ce que par la suite l'islam est devenu plus fort et ils n'ont plus eu besoin de ces juifs-là. Alors, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, par la suite, les a expulsés de Khaybar et les a fait sortir de la péninsule arabe, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait ordonné. La yajtami'u dinani fi jazirati al-arab. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné de faire sortir tout juif ou tout chrétien de la péninsule arabe, et il avait dit qu'il ne pouvait pas se réunir deux religions dans la péninsule arabe, donc il avait ordonné de les faire sortir. Donc Omar ibn al-Khattab, c'est lui qui l'a exécuté par la suite, c'est-à-dire qui a fait sortir les juifs de cet endroit-là. Et la plupart des l'imam ibn Battal, il dit, la plupart des fuqaha, les savants de fiqh, ils permettent de prendre les kuffars comme employés lors de la nécessité ou dans d'autres occasions, pour d'autres occasions ou d'autres situations que la nécessité. Fin de la citation. قال ابن القيم في زاد المعاد عن اليهود في غزوة خيبر وأراد أن يجليهم منها فقال يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها فنحن أعلم بها منكم ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها وكانوا لا يفرغون أو لا يفرغون ولا يفرغون ويقومون عليها فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع وكل ثمر وما وكل ثمر ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم. انتهى كلامه. Donc, l'imam Ibn al-Qayyim, il dit dans Zad al-Ma'ad, le volume 3, la page 326, que, à propos des Juifs, lors de la bataille de Khaybar, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait les expulser à ce moment-là. Sauf que les Juifs ont dit, ô Muhammad, laisse-nous rester sur cette terre pour la cultiver, parce que nous, on sait mieux que vous comment s'en occuper. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas personne pour s'en occuper. Et étant donné donc qu'il n'avait personne qui était libre pour le faire, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné Khaybar aux Juifs, à condition qu'il donnait la moitié de la moitié de ce qui était récolté comme fruit, jusqu'à ce hein, tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam approuvait de leur du fait de, pour eux de rester à Khaybar jusqu'à ce qu'ils décident qu'ils sortent. Intaha kalamu. Donc ça c'est la fin de la citation. Donc il est important de noter, comme j'ai mentionné au dernier cours, comme disait le Cheikh Mohammed bin Hadi Al-Madkhali, disait dans un de ses cours que les Juifs de Khaybar, ils ne sont pas d'origine de Khaybar, ils venaient de la Palestine ou d'une autre région. Ils venaient de la Syrie, ils venaient pas de là-bas, ils étaient venus s'installer par la suite, c'était pas leur terre, d'accord. Donc quand le fait qu'ils soient expulsés, c'est pas comme si on les expulsait de leur maison, ils étaient pas là, c'était pas leur terre d'origine. Et le cheikh il expliquait ça, puis en même temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc avant sa mort, il a dit qu'il aurait fait sortir de la péninsule arabe toute personne qui n'est pas musulmane. Hein. Et donc, il ne l'a pas exécuté durant sa vie, mais c'est plus tard, par la suite, lors du khilafa de Omar ibn Khattab, que cet ordre a été mis en application et que les Juifs ont été expulsés de la péninsule. Donc le cheikh il dit ensuite قال الشيخ قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله مجموع في مجموع فتاوى ومقالات وذكر غزو حاكم العراق للكويت واستعانة الدولة السعودية بقوات مشتركة أكثرها من النصارى لدفع شره ولما احتاج إلى اليهود بعد فتح خيبر ولاهم نخيلها وزروعها بالنصف يزرعونها للمسلمين والمسلمون مشغولون بالجهاد لمصلحة المسلمين ومعلوم عداوة اليهود للمسلمين فلما احتاج إليهم عليه الصلاة والسلام أمنهم وولاهم على نخيل خيبر وزروعها فالعدو إذا كان في مصلحتنا وضد عدونا فلا حرج علينا أن نستعين به ضد عدونا في مصلحتنا حتى يخلصنا الله من عدونا ثم يرجع عدونا إلى بلاده ومن عرف هذه الحقيقة وعرف حال الظالم وغشمه وما يخشى من خطر عظيم وعرف الأدلة الشرعية اتضح له الأمر ولهذا درست هيئة كبار العلماء هذا الحادث وتأملوه من جميع الوجوه وقرروا أنه لا حرج فيما فعلت الدولة من هذه الاستنصار للضرورة إليه وشدة الحاجة إلى إعانتهم للمسلمين وللخطر العظيم الذي يهدد البلاد لو استمر هذا الظالم في غشمه واجتياحه للبلاد وربما ساعده قوم آخرون تمالوا معه على الباطل فالأمر في هذا جلل عظيم ولا يفطن إليه ويفطن إليه إلا من نور الله بصيرته وعرف الحقائق على ما هي عليه وعرف غشم الظالم وما عنده من القوة وما عنده من القوة التي نسأل الله أن يجعلها ضده وأن يهلكه ويكبته وأن يكفين شره وشر كل الأعداء وأن يولي على العراق رجلا صالحا يحكم فيه بشرع الله وينفذ في شعبه أمر الله كما نسأله سبحانه أن يقيم شر هذا الحاكم أن يقيهم شر هذا الحاكم الظالم العنيد الذي عذبهم وآذاهم وعذب المسلمين وأحدث هذه الفتنة وجر المسلمين إلى خطر عظيم. انتهى كلامه رحمه الله. أي نعم. Donc ici c'est une parole de Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz dans Majmou' al-Fatawa, le volume 6 à la page 135. Le Cheikh Ibn Baz, il mentionne lorsqu'il y a eu la bataille contre l'Irak et son dirigeant Saddam Hussein à l'époque de la première guerre du Golfe, et qu'il y a eu la demande, la prise de l'aide, on a eu l'aide des koufars contre l'Irak. L'Arabie Saoudite a pris l'aide des Américains et des autres koufars, et c'est une coalition, un groupe, contre le Saddam Hussein, la plupart d'entre eux étant des chrétiens, pour repousser le mal de l'Irak. Donc, Cheikh Ibn Baz, il dit, après la bataille de Khaybar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu besoin des juifs pour cultiver les dattiers. Hein, et il leur a donné pour ça la moitié des récoltes et l'autre moitié pour les musulmans. Et la raison de ça, c'est parce que les musulmans étaient occupés à faire le djihad, donc c'était pour le bien des musulmans. Et le cheikh, il dit qu'on sait très bien l'animosité que les juifs ont pour les musulmans, mais lorsque on a besoin d'eux et qu'on est en confiance vis-à-vis d'eux, eh bien on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a laissé s'occuper des palmiers de Khaybar et de les cultiver. Donc l'ennemi, si il y a dans cet ennemi-là un bienfait pour les musulmans et que cet ennemi-là est contre notre ennemi, donc il n'y a pas de problème de chercher son aide ou de prendre son aide contre notre ennemi et dans quelque chose qui ramène un bienfait pour nous, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte qu'on n'ait plus besoin d'eux, hein, nous débarrasse de notre ennemi, hein, et que cet ennemi ou notre ennemi retourne dans son pays. Donc le cheikh il dit, on a su donc cette réalité là toute personne qui connaît l'état ou la situation de Saddam Hussein, cet injuste, et comment il agit, qu'est-ce qu'il fait dans les pays où il rentre, donc il craint donc d'un grand danger, et quiconque donc connaît les preuves de la charia, il va avoir maintenant une vision très claire de la situation et de l'affaire. Et il dit que le comité des grands savants a étudié cette situation et cet événement, et ils ont médité sur la question de tous ces points de vue, et ils ont pris la décision qu'il n'y avait aucun problème, aucun mal dans ce que l'État a décidé de faire en demandant l'aide de la coalition des koufars, parce que c'était une nécessité qu'ils avaient, hein, que c'est une nécessité de l'État. Que l'État avait de leur demander leur aide. Et à cause également du grand besoin que les musulmans avaient de cette aide. Et à cause du grand danger que cet ennemi représentait comme menace pour le pays. Et si cet ennemi-là continuait dans ses transgressions et dans le mal qu'il faisait, eh bien, ça aurait pu amener un très grand malheur pour le pays. Et peut-être même qu'il y allait avoir des gens à l'intérieur même de l'Arabie Saoudite, peut-être, qui allaient aussi, ou d'autres personnes qui allaient essayer de l'aider, hein, c'est-à-dire d'aider Saddam Hussein, pour arriver à faire ce qu'il voulait, ou ce qu'ils veulent parmi les gens de la fausseté. Parce qu'à l'intérieur de l'Arabie Saoudite, il y en a des gens qui ont du nifaq, de l'hypocrisie, et qui souhaitent voir la fin de l'application de la charia là-bas. Hein, comme Saddam Hussein, puisque Saddam Hussein c'est un laïc, un communiste, un socialiste, hein, quelqu'un qui était à la tête du parti Baath, hein, et il était parmi ceux qui sont opposés à l'application de la loi d'Allah est opposée au tawhid et à la sunna, donc il n'allait pas pour essayer d'aider la cause de l'islam, il allait pour éliminer l'islam de l'Arabie Saoudite et ainsi de suite. Donc c'était un grand danger pour les musulmans. Et donc le cheikh il dit donc que l'affaire est claire et évidente, et quelqu'un ne peut pas comprendre ça, excepté si Allah lui a illuminé la vue et lui a donné la bonne compréhension. Et à condition que la personne, bien entendu, connaisse les réalités telles qu'elles sont. Et qu'il connaît, et qu'on connaît la réalité de cette personne, cet injuste, Saddam Hussein. Et qu'on connaît la force qu'il avait. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il la mette, cette force, contre lui, et qu'il le fasse périr, lui, et qu'il nous protège de son mal et de tous nos ennemis, de tous les ennemis, et qu'il remplace le dirigeant donc de l'Irak par un homme pieux qui va juger selon la charia d'Allah et qui va exécuter dans son pays et sur son peuple l'ordre d'Allah. Et de même qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger le peuple contre le mal de ce dirigeant injuste et transgresseur, et ce dirigeant injuste et transgresseur qui les torture et qui leur fait du tort et qui a torturé les musulmans et qui a fait pour eux toutes sortes de tribulations et de fitna, et qui a amené les musulmans vers un grand danger. Fin de la citation. Le cheikh il dit ensuite, وقال رحمه الله أيضا في مجموع الفتاوى ومقالات volume 7 à la page 363. وأما الاستعانة ببعض الكفار في قتال الكفار عند الحاجة أو الضرورة فالصواب أنه لا حرج في ذلك إذا رأى ولي الأمر الاستعانة بأفراد منهم أو دولة في قتال الدولة المعتدية لصد عدوانها عملا بالأدلة كلها، فعند عدم الحاجة والضرورة لا يستعان بهم، وعند الحاجة والضرورة يستعان بهم على وجه ينفع المسلمين ولا يضرهم، وفي هذا جمع بين الأدلة الشرعية، وأقر اليهود بخيبر بعد ذلك واستعان بهم في القيام على مزارعها ونخيلها لحاجة المسلمين إليه واشتغال الصحابة بالجهاد، فلما استغنى عنهم أجلاهم عمر رضي الله عنه، والأدلة في هذا كثيرة. والواجب على أهل العلم الجمع بين النصوص وعدم ضرب بعضها ببعض، ودولة البعث أخطر على المسلمين من دولة النصارى، لأن الملحد أكثر من الكتاب كما لا يخفى، وما فعله حاكم العراق البعثي في الكويت يدل على الحقد العظيم والكيد للإسلام وأهله. ومما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس قد يظن أن الاستعانة بأهل الشرك تعتبر موالة لهم، وليس الأمر كذلك، فالاستعانة شيء والموالاة شيء آخر. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حين استعان بالمطعم بن عدي أو عبد الله بن أريقط أو بيهود خيبر مواليا لأهل الشرك ولا متخذا لهم بطانة، وإنما فعل ذلك للحاجة إليهم واستخدامهم واستخدامهم في أمور تنفع المسلمين ولا تضرهم. وهكذا بعثه المهاجرين من مكة إلى بلاد الحبشة ليس ذلك موالة للنصارى، وإنما فعل ذلك لمصلحة المسلمين وتخفيف الشر عنهم. فيجب على المسلم أن يفرق بين ما فرق الله بينه وأن ينزل الأدلة منازلها. انتهى كلامه رحمه الله. دونك الشيخ ابن باز il mentionne dans مجموع الفتاوى ومقالات le volume 7 à la page 363, il dit en ce qui concerne le fait de prendre l'aide de certains d'entre les kuffars pour combattre des kuffars lorsque c'est une nécessité ou lorsque c'est un besoin, la position correcte à ce sujet-là, c'est qu'il n'y a pas de problème de faire cela lorsque le dirigeant demande l'aide de certains individus parmi eux, hein, ou d'un pays, parmi leur pays, pour combattre un ennemi qui transgresse, hein, en agissant, bien entendu, selon toutes les preuves. Lorsqu'il y a donc un besoin ou une nécessité, donc on le fait, mais s'il n'y a pas de besoin ou de nécessité, dans ce cas-là, on ne prend pas leur aide. Hein? Mais lorsqu'il y a un besoin ou une nécessité, on prend leur aide d'une manière qui amène du bien pour les musulmans et qui ne leur fait pas de tort. Et ça, bien entendu, c'est en réunissant les preuves de la charia, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris l'aide des juifs de Khaybar, après la bataille de Badr, il a demandé après la bataille de Khaybar, il a pris l'aide des juifs de Khaybar pour travailler pour les musulmans, parce que les musulmans avaient besoin de personnes pour cultiver, puisque eux, ils étaient occupés à faire le djihad. Donc les sahabas étaient occupés avec le djihad, donc ils ne pouvaient pas cultiver la terre. Donc les juifs s'occupaient des récoltes pendant que les sahabas faisaient le djihad. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a plus eu besoin par la suite de ces juifs-là, eh bien c'est Omar radiallahu anhu par la suite qui les a expulsés ou qui les a fait sortir, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait ordonné de le faire. Et les preuves à ce sujet-là sont nombreuses. Et il dit que l'obligation pour les hommes de science, c'est de réunir entre les textes et de ne pas les frapper les uns contre les autres. Donc il y a des ulama qui ont pris, par exemple, une position pour dire, par exemple, que ce n'est pas permis de prendre l'aide des juifs et des chrétiens. Ils se basent sur le hadith qui dit « La asta'inu bi mushrik ». Hein? Et il laisse les autres preuves qui mentionnent ou qui prouvent que c'est permis, comme on en a mentionné plusieurs. Et le cheikh, il mentionne donc que cette position-là, elle est incorrecte, et que la position qui est correcte, c'est de réunir entre les preuves et de ne pas les opposer les unes contre les autres ou de les frapper les unes contre les autres. Lorsqu'il y a la possibilité de les réunir ensemble, eh bien, il faut faire cela, c'est-à-dire y réunir entre les textes. Et il dit donc que le pays ou l'État basse, c'est-à-dire qui fait partie du parti politique socialiste, communiste, qu'on appelle le parti basse, qui est fondé par un chrétien arabe qui s'appelait Michel Aflaq, hein, ce parti-là, il est plus dangereux que les juifs et que les chrétiens aussi, puisque c'est un parti qui est athée. Hein, qui est athée. Et les athées, l'athée, il est plus dangereux que le chrétien ou que le juif. Et ça, c'est quelque chose qui est pas, c'est quelque chose qui est bien connu. C'est que l'athée est plus dangereux, plus mécréant que l'athée, que le juif et le chrétien, pardon. Donc, il dit ce que le dirigeant de l'Irak, le Ba'athi, qu'est-ce qu'il a fait au Koweït, ça, c'est la preuve de sa haine. Hein, de sa grande haine contre l'islam et de sa ruse contre les musulmans et contre l'islam. Et il dit que j'aimerais également noter que certaines personnes pensent que dans le fait de prendre l'aide de ces kuffars, il y a une alliance avec eux, ou dans le fait, c'est comme si on les prenait comme pour alliés. Et le cheikh, il dit que il y a, ça ne fait pas partie de les prendre pour alliés, dans le sens de qu'est-ce qui est interdit dans Al-Wala ou Al-Bara, puisque ça c'est une chose, le fait de demander leur aide c'est une chose, et le fait de les prendre pour alliés dans le sens de Al-Wala ou Al-Bara, dans le sens que on les aime pour leur religion ou des choses de ce genre, ça c'est Al-Muala, et ça n'a rien à voir avec le fait de les prendre pour aide lorsqu'on en a besoin. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a pris yani, l'aide de Al-Mut'im ibn Adi et de Abdillah ibn Uraykid et des juifs de Khaybar, et lorsqu'il a fait ça, il ne les prenait pas pour alliés dans leur shirk ou dans leur kufr, hein, et il ne les prenait pas non plus comme confidents par rapport à leur religion, hein, bien entendu. Donc il a fait ça uniquement parce qu'il en avait besoin, il en avait un besoin, et il les a utilisés dans des sujets ou dans des questions, des choses qui amenaient un bien pour les musulmans et qui ne causaient pas de tort. Et donc, de la même manière que lorsque les muhajirines sont partis en Éthiopie pour faire la hijra, c'était pas pour prendre les chrétiens pour alliés, hein, mais c'était pour un bien pour les musulmans, pour un bienfait pour les musulmans et pour diminuer un mal. Hein, donc il faut que c'est obligatoire pour le musulman donc de faire la distinction entre ce que Allah a distingué et de mettre les preuves à leur place, là où elles vont réellement. Donc ça c'est la fin de la citation. Ensuite, donc maintenant qu'on a fini de mentionner les 12 différentes preuves, il y a at-tarjih. Là je vois qu'on est déjà à 1h20 et qu'il reste encore quelques pages. Donc là, qu'est-ce qu'on est arrivé? En fait, là où on est arrivé, c'est l'endroit où le cheikh, il va prendre les deux preuves des deux positions et il va montrer que la position correcte, c'est de réunir entre les deux. Hein, de réunir entre les deux preuves. Et je ne sais pas si on commence à lire ça, est-ce que ça va prendre trop de temps ou non. C'est pour cette raison-là que je me dis peut-être on pourrait le laisser pour le prochain cours. Donc, d'après moi, je vais m'arrêter ici, puis on va continuer ce cours-là la semaine prochaine avec la conclusion de l'analyse de ces preuves, Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter pour le cours de maintenant, puis on revient après pour le cours de الفتوى الحموية الكبرى نقول سعيدين إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين